Science Chrono, Antoine Beauchamp. S'orienter sur Terre est l'un des plus vieux défis pour l'espèce humaine. Si pendant longtemps, l'étoile polaire et le Soleil ont été les repères clés pour s'orienter de nuit comme de jour, une invention a priori toute simple a permis de se passer du ciel pour avancer sur Terre, la boussole. Et cette boussole a vu le jour en Chine, d'abord pour des pratiques divinatoires, puis plus tard à des fins d'orientation, mais qui ont les unes comme les autres requis plusieurs découvertes scientifiques. À partir de cet objet simple en apparence, on tente aujourd'hui dans Science Chrono de lever le voile sur une histoire des sciences médiévales en Chine trop peu connue. Et bonjour Jean-Marc Bonabideau. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA et vous êtes l'auteur aux éditions Belin du livre Les sciences de l'Empire du Milieu, un livre consacré à toutes ces innovations produites par la Chine et toutes ces découvertes réalisées en Chine, notamment au Moyen-Âge. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous expliquer comment la boussole a vu le jour et s'est développée dans cette Chine-là, mais aussi pour nous dire en quoi cette histoire d'un objet illustre la grande vitalité des sciences dans la Chine du Moyen-Âge. On essaiera aussi de réfléchir aux raisons pour lesquelles cette histoire des sciences médiévales chinoises très riches, finalement assez peu, voire pas du tout connues sous nos latitudes. Mais avant d'entamer ce voyage et ces réflexions, écoutons comme chaque semaine une archive. Il s'agit d'un extrait de l'émission de l'ORTF « Sciences et techniques au Moyen-Âge, les grandes inventions » animée par François Lelionnais et diffusée le 7 mars 1959. On y entend la voix d'un certain Bertrand Gilles, maître de conférence à la faculté des lettres de Clermont-Ferrand. Je crois que les origines chinoises, nous retrouvons le problème technique, l'invention technique dans son ensemble, c'est-à-dire l'apport de l'Extrême-Orient à la civilisation technique médiévale, qui se retrouve pour la boussole, qui se retrouvera pour le papier, qui se retrouve pour l'imprimerie, qui se retrouve pour beaucoup d'autres techniques. Il est évident que la Chine a certainement trouvé un certain nombre de techniques utilisées à l'époque ou légèrement... d'une manière légèrement postérieure, en Occident. Souvent, les jalons de ces transferts de techniques nous manquent. Si nous les avons pour le papier, d'une manière très certaine, nous ne l'avons ni pour la poudre, ni pour la boussole, ni pour l'imprimerie. Peut-être un jour trouvera-t-on ces jalons, mais je crois qu'il ne faut pas laisser d'un autre côté s'éloigner l'hypothèse qu'il y a pu y avoir des coïncidences. En particulier, je crois que les hommes du Moyen-Âge commençaient à assez bien connaître ce qu'on pouvait faire avec du salpêtre. Oui, certainement. Mais c'est cela. Et puis il y avait le feu grégeois qui les incitait à des mélanges. Et il y a le feu grégeois qui utilisait de la poudre, qui utilisait du naphte et qui a pu les mettre sur la voie, tout au moins. Voilà Jean-Marc Bonabideau, notre petite boussole, elle est perdue un peu au milieu de toutes ces grandes découvertes et grandes inventions dont on doit la paternité ou la maternité à la Chine. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette archive de 1959 ? Ben, c'est vrai que c'est un peu étonnant parce qu'elle nous dit quelque chose que j'ai ressenti moi-même en écrivant ce livre, c'est que les Européens ont beaucoup de mal à reconnaître que un certain nombre d'avancées scientifiques ont été faites en dehors d'Europe. Et là, il y a vraiment une erreur fondamentale quand on entend que ces découvertes auraient été utilisées à l'époque ou d'une manière légèrement postérieure en Occident. Mmh. Ben, c'est par siècle que se mesure l'écart. Le papier est en l'an 100 en Chine, il arrive en 1350 en Europe. Mmh. Donc il y a plus d'un millénaire. Donc ça, ce sont des termes faux. Alors est-ce que les gens qui le disent, on est en fin des années 50, c'est ça, de façon, à par manque de culture ou bien par une nécessité de diminuer comme ça l'influence extérieure, la question reste ouverte. Mais de la même façon, il cite le feu grégeois. Le feu grégeois n'a rien à voir avec la poudre. C'était du pétrole qui était brûlé. Donc en fait, l'invention de la poudre n'a jamais été trouvée en Europe. Et ce sont à partir de fausses assertions aussi. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. Ce serait, on ne sait pas, à la limite, j'aurais pu le comprendre. Mais là, ce sont vraiment de fausses assertions qui sont démontables. D'ailleurs, on peut le lire dans mon livre, tous les éléments. Alors, moi, j'ai fait l'inverse. Quand je me suis posé la question de la science chinoise, j'ai été chercher tous les documents authentiques, datés et même archéologiques, parfois, pour démontrer toutes ces avancées scientifiques. Vous parlez de ces fausses assertions, Jean-Marc Bonabideau. Je me suis amusé, en préparant cette émission, à taper sur un célèbre moteur de recherche, l'expression « invention de la boussole », et j'ai eu plusieurs noms. Celui d'un savant légendaire originaire d'Amalfi en Italie qui s'appelle Flavio Gioja. Le nom d'un autre savant originaire, lui, de Séville, Felipe Guillen, qui vivait au XVIe siècle. Dans l'ensemble, tout de même, quand même, la Chine est reconnue comme à l'origine de la fabrication de la boussole, mais une origine assez peu détaillée. Et ça m'a intéressé vraiment cette espèce de fossé entre des histoires romancées d'inventeurs européens légendaires et cette reconnaissance plus sérieuse d'une origine chinoise de la boussole, mais une origine très floue. Alors on a de la chance, on va pouvoir parler de cette origine-là de façon un peu plus détaillée, et c'est ce que vous faites très bien dans votre livre « Les sciences de l'Empire du Milieu ». Peut-être qu'on peut déjà, parce que nous, Européens, on connaît très mal l'histoire médiévale chinoise et l'histoire de la Chine tout court, est-ce que vous pourriez nous resituer le panorama? Alors ça va être obligatoirement résumé, mais le panorama politique, culturel, historique, qui a permis l'émergence et la compréhension en tout cas des mécanismes qui ont permis la production de la boussole. Oui, alors c'est tout à fait intéressant que c'est une stabilité politique auquel on a affaire en Chine. C'est-à-dire, on va dire, 2000 ans, c'est beaucoup plus que 2000 ans. La culture classique chinoise, on la date du premier empereur et ensuite de la dynastie des Han, entre moins 200 et plus 200. Donc ça, c'est vraiment l'origine. Mais avant, il y avait bien des développements qui ont été faits antérieurs. Mais là, on commence à avoir le papier d'imprimerie qui vont nous servir à colporter des documents au cours des siècles. Ensuite, il y a une succession de grandes dynasties, on pourrait citer les Tang, puis ensuite les Song, et on a une antiphase totale avec l'Europe. Parce que ce qu'on appelle médiéval en Chine, c'est l'essor, c'est l'âge d'or des sciences et des techniques. Les Song, par exemple, qui sont de 900 à 1200 approximativement, sont vraiment l'explosion de toute cette technique. C'est une vraie révolution industrielle révolution et scientifique. Voilà. Alors que nous sommes en Europe entre, disons, juste le début de l'ère moderne jusqu'à la révolution scientifique qu'on va dater avec Galilée au 15e, 16e siècle, dans un tunnel d'obscurantisme qu'on appelle d'ailleurs déjà sombre, parce que scientifiquement et même culturellement, rien ne se passe. Alors rien ne se passe quand même, il se passe des choses, et c'est vrai qu'aujourd'hui on commence à relire aussi ce Moyen-Âge au prisme du mépris qui a pu être réalisé en Europe par les renaissants vis-à-vis des travaux qui auraient pu être réalisés. Ce qui est sûr, c'est que la vitalité chinoise semble être bien supérieure à cette période-là du Moyen-Âge à la vitalité scientifique et culturelle de l'Europe à ce même moment. Donc là, on comprend bien que les conditions sont réunies pour que ces découvertes scientifiques et ces inventions soient réalisées en Chine, une grande stabilité, une grande faculté aussi à documenter et à transmettre ce savoir au long cours. Il y a aussi culturellement en Chine un rapport aussi au duo terre et ciel qui est capital à comprendre pour expliquer la fabrication de la boussole. Bien sûr, et d'ailleurs c'est ce qui m'a amené à la Chine, parce que moi je suis astrophysicien, et donc j'ai questionné le rapport du ciel et de la Terre en Europe, et le rapport du ciel et de la Terre en Chine, c'est complètement différent. La particularité de la Chine, c'est qu'elle a fait du ciel l'autre moitié de la Terre. C'est-à-dire c'est un espace d'investigation qui vaut autant que quand on fait des recherches sur Terre. Ce qui les a amenés évidemment à des découvertes fondamentales de l'astronomie, qui sont encore ignorées et non pas attribuées aux Chinois, les taches solaires, les explosions d'étoiles, la trajectoire des comètes, énormément de découvertes juste liées à l'observation. Mais effectivement, dans ce système était très très culturellement inclus, puisque nous savons que l'empereur chinois s'appelait Tianze, le fils du ciel. Et il y avait un effet miroir entre le ciel et la terre. Le ciel n'était pas évidemment l'habitat des dieux qui étaient effectivement des espèces d'entités complètement en dehors de l'humanité. Non, on avait mis dans le ciel, notamment autour du pôle Nord, parce que l'étoile polaire était l'empereur céleste, et il y avait autour de lui toute la cité interdite céleste. Il y avait un espèce vraiment d'effet miroir strict, ce qui faisait que effectivement les scientifiques chinois se sont préoccupés de l'orientation. Ils ont comme nous tous, ils se sont aperçus qu'effectivement les étoiles tournaient autour d'un point. Ils se sont aperçus du rôle de ce qu'on appelle en Chine Beidou, la cuillère du Nord, mais qui est pour nous est la grande ours. C'est une constellation qui est majeure et qu'on voit très bien. Et c'est ça qui a donné l'origine de la boussole, parce qu'en fait soucieux de cette orientation. Il fallait en fait que la Terre soit en harmonie avec le ciel. Donc, par exemple, alors c'est ce qu'on a appelé par la suite la technique du Feng Shui. Feng Shui, ça veut dire vent et pluie, mais c'est plus généralement une espèce de géomancie, de souci d'orienter les monuments, un peu comme ça a été fait aussi en Égypte ancienne, bien évidemment, dans l'axe nord-sud. Par exemple, la cité interdite à Pékin est strictement dans l'axe nord-sud. L'empereur siégeait vers le nord et les invités étaient vers le sud, se dirigeant vers le nord pour regarder l'empereur. Et donc ce souci d'orientation a amené très vite à ce qu'on fasse des instruments de divination. Et c'était très, c'est très joli. On en a gardé, on en a trouvé dans les tombes anciennes. Donc on a, et c'est un carré. La plupart du temps, c'est du bois qui représente la Terre. La Terre est un espace carré surplombé d'un mobile circulaire qui était le ciel et sur lequel était marquée la grande ours, justement pour symboliser ça. Et selon les saisons, évidemment, ça servait aussi une espèce de représentation des saisons. Et ben, on pouvait faire tourner le ciel et montrer les choses. Et puis un jour, c'est assez tôt, puisqu'on on a un texte de 90 de notre ère qui nous explique que on mettait donc pour symboliser le ensuite cette grande ours, donc en fait c'est le boisseau en Chine, donc c'est une cuillère, on mettait une cuillère sur ce plateau circulaire, et si cette cuillère était dans un matériau particulier, elle avait la particularité d'orienter son manche vers le sud. Alors c'est pareil que le nord, mais pour le manche était vers le sud. Et c'était la première constatation d'une orientation évidemment assez mystérieuse. Alors on y vient, parce que c'est intéressant ce duo entre pratique divinatoire et nécessaire observation scientifique, qui pour nous et nos esprits d'Européens ne sont pas forcément compatibles. Alors ce qui est intéressant, c'est justement que là vous avez bien rappelé la nécessité finalement dans la culture divinatoire chinoise d'avoir toujours cet axe nord-sud en tête, et donc d'avoir un instrument qui permettra de toujours se repérer. Quelles observations scientifiques, du coup, sont nécessaires à réaliser et à maîtriser pour fabriquer cette proto-boussole, ces tables divinatoires? C'est là que c'est étonnant, parce que on a toujours l'impression que les découvertes, c'est le Eureka d'Archimède. Ça n'est jamais ça. C'est très très long, c'est par étapes. Et là, on a des étapes qui ont été faites ailleurs qu'en Chine, et d'autres qui n'ont été faites qu'en Chine. Alors, première étape, c'est de constater que certains matériaux sur Terre, qu'on appelle magnétite, pourquoi magnétite? Parce qu'ils ont été trouvés en magnésie, notamment en Grèce. Donc les Grecs étaient totalement au courant de ça. Attirer le fer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les aimants maintenant. Et ça, ça a été fait en Grèce et ça a été fait en Chine. Mais ensuite, après, il faut s'apercevoir que d'une part, ces matériaux ont la capacité, en étant mis en contact avec du fer, d'aimanter le fer, que le fer devienne à son tour un aimant, une petite particule même. Et donc ensuite, après, il faut réaliser, troisièmement, qu'ils s'orientent, si on les laisse libres, s'ils sont suffisamment légers, toujours dans une direction, une même direction. Et ensuite, ultimement, et ça n'a été fait qu'en Chine, c'est constatation, ultimement, que cette direction correspond presque exactement à l'axe nord-sud géographique. Et ça, j'ai même surpris encore aujourd'hui qu'aucune autre nation sur Terre n'ait réussi à faire cette succession de constatations. Et elles ont été faites en Chine, donnant évidemment ouverture au concept de la boussole. Parce que dès qu'on a abandonné un peu plus tard effectivement la cuillère qui symbolisait la constellation du Beidou, comme ça, et on a commencé à faire des petites aiguilles métalliques, et cette fois-ci on s'est aperçu qu'effectivement ça devenait des instruments légers, portables, facilement transportables, et on a donc sous les songs, la description les songs, totale. Donc c'est entre les songs, le 10e et le 13e. On parle ici pour la boussole de 1948, 1048, on est en 1048, et donc on a un texte qui nous écrit par un savant chinois qui s'appelle Shen Kuo, qui nous décrit très exactement deux modèles de boussole qui sont déjà en usage. L'un pour les explorations terrestres, la boussole terrestre, c'est une aiguille aimantée, donc suspendue à un fil de soie. Ben, c'est bien connu qu'en Chine, la soie, c'était déjà connu depuis très longtemps. Donc, faisant ça, vous aviez une direction. Évidemment, il fallait se mettre à l'abri du vent, etc. Mais c'était sur terre. Et puis sur mer, on pouvait pas avec les mouvements des bateaux, etc. Eh bien, on le mettait dans un récipient plein d'eau. Cette fois-ci, une petite aiguille suffisamment légère pour qu'elle surnage sur l'eau. Et elle s'orientait aussi dans la direction du nord-sud. Alors, on est passé des tables divinatoires autour du 1er, 2e siècle avant notre ère, jusqu'à cette boussole décrite par Shen Kuo dans son ouvrage intitulé « Discussion du pinceau depuis un petit ruisseau de rêve ». Donc, un titre très poétique. Et donc là, il décrit l'objet. Il dit « Quand un géomancien frotte la pointe d'une aiguille avec la pierre d'aimant, elle reçoit la propriété de montrer le sud. Cependant, elle est toujours déviée légèrement vers l'est et ne montre jamais exactement le sud. On peut mettre l'aiguille sur l'eau en la faisant flotter. La meilleure méthode est la méthode de suspension par un fil. Pour cela, on prend un fil fin de cocon neuf qu'on attache au milieu de l'aiguille en utilisant un peu de cire gros comme un grain de moutarde. L'aiguille ainsi suspendue doit être placée dans un endroit où il n'y a pas de vent. Elle montre alors toujours le sud. » Le sud, pas le nord. Alors, j'y comprends plus rien, du coup, c'est... Bah, bien sûr, parce que, en fait, le sud et le nord sont complémentaires. Mmh. Vous avez le sud, vous avez le nord. Donc, le sud, effectivement, c'était l'orientation C'est comme ça que les Chinois préféraient donner les directions géographiques. En revanche, c'était le nord le plus important. Mmh. Donc, merci d'avoir cité, parce que souvent, on se dit, mais d'où viennent les informations? Voilà, c'est écrit en 1048 par quelqu'un dont on a gardé les textes. Hein, qui sont quelqu'un pas des que vous pouvez lire, vous qui êtes... Alors ça, c'est une autre particularité, bien sûr. Parce que alors, ce qu'on n'a pas cité, qui a facilité énormément la transmission de ces connaissances, que on pourrait se dire qu'en Europe, sans doute, beaucoup de choses ont été aussi perdues. Mais en Chine, jamais. Parce que l'invention du papier, puis de l'imprimerie, mais très très tôt l'imprimerie, parce qu'avant d'arriver à l'imprimerie à caractère mobile, il y avait l'imprimerie avec des blocs de bois, et ça c'est dans à peu près l'an 700-800, donc c'est très très tôt. Ils ont fait des encyclopédies sur papier, consignées, reliées, etc., qui étaient propriété de l'empereur, transmis aux empereurs suivants. On a une continuité historique phénoménale. Une archive de telle sorte qu'on retrouve ces textes-là, on les date, on sait très bien quand ils ont été écrits. Et merci de l'avoir cité, parce que ça donne exactement le degré de détail, c'est-à-dire, moi, c'est la minutie en Chine qui m'a frappé. Ce sont pas des grandes phrases floues, c'est des choses très très précises. On vous explique très précisément comment faire. C'est pareil pour la formule de la poudre. Enfin, toutes les choses, toutes les découvertes chinoises sont extrêmement bien documentées. Ce sont pas des oui-dire par des historiens en prétendant que Pline l'Ancien, vous voyez, des choses comme on a beaucoup en Europe. Finalement, en Europe, dans les sciences médiévales, il y a beaucoup d'exégèses de textes fragmentaires perdus en partie, puis qui ont circulé, qui ont été récupérés, puis réécrits. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant, cette dimension archivistique et la tenue, finalement, de ces archives par les savants chinois et leur transmission. Il y a un autre élément dont on n'a pas trop parlé et qu'on peut peut-être évoquer, c'est la compréhension implicite par les savants chinois du magnétisme terrestre. Là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... C'est pas une chose forcément très évidente à détailler en deux mots, mais est-ce que vous pouvez nous en parler, de cette compréhension-là et de l'importance que ça a eu dans la fabrication de ces boussoles? Alors oui, d'abord, ce que dans le texte que vous avez cité, effectivement, on voit que le scientifique chinois fait une différence entre l'orientation de cette aiguille et l'axe réel nord-sud, et nous appelons l'écart déclinaison. Il est lié à un fait très très particulier. D'abord, on ne pourrait pas avoir de boussole sur Mars, par exemple, parce qu'il faut utiliser le champ magnétique terrestre. Ça, c'est toutes les planètes n'ont pas de champ magnétique. Il se trouve que des masses métalliques à l'intérieur de la Terre, liées à sa rotation, finalement, créent ce champ magnétique comme un aimant unique, un axe nord-sud, mais magnétique, à différent de l'axe nord-sud géographique, qui est l'axe de rotation de la Terre. Et il y a un petit écart qui évolue au cours du temps. D'ailleurs, je mets la carte dans mon livre, parce que ça évolue énormément. À l'heure actuelle, il est en train de se rapprocher extrêmement près du pôle nord géographique. Mais à certains moments, il en était très décalé. Et ce scientifique chinois a fait déjà la constatation qu'ils sont tellement précis, ils disent, oui, c'est nord-sud, mais c'est pas tout à fait. En revanche, on peut quand même s'en servir, finalement. Et donc, ce souci vient évidemment du fait que... toutes les questions étaient poussées à bout, et je pense que, comme vous le dites, en Europe, on n'a pas eu cette continuité, on n'a pas eu de texte, on n'avait pas de papier, pas d'imprimerie, c'était des parchemins, c'est extrêmement cher un parchemin, donc on grattait même les parchemins pour réécrire des choses dessus, donc on a permis. Et donc, on est habitué dans l'histoire des sciences européennes à que des exégèses, des on-dit, et on n'imagine pas à quel degré de certitude on est en Chine à cause de toute cette conservation. Alors, le temps file, Jean-Marc Bonnet-Bidot, on va parler de ce voyage de la boussole jusqu'à l'Occident. Est-ce que on peut penser que ce sont, comme souvent d'ailleurs au Moyen-Âge, les savants et navigateurs arabes qui se sont chargés de la transmission de cette connaissance technique à l'Occident, ou bien pas du tout? Eh bien non, alors on peut jamais être assuré de rien, en histoire des sciences toujours très compliqué, mais on sait que les Arabes, eux, ont développé beaucoup plus la technique astronomique, à partir de la position du soleil et à partir de la position des étoiles, mais que par exemple, quand Vasco de Gama, effectivement, a fait son exploration dans l'océan Indien, il a pris des astronomes arabes, mais il était incapable de se diriger quand il y avait de la brume. Alors qu'on sait que deux siècles avant, presque un siècle avant, le grand navigateur Chang He, qui a exploré depuis la Chine jusque au côte de l'Afrique, hein, avait cette boussole et a traversé l'océan Indien sans aucun problème. Donc en fait, par les Arabes, il ne semble pas, enfin on dit arabe, c'est toute une civilisation, mais on n'a pas du tout d'évidence, en tout cas, qu'il y ait eu une transmission. En revanche, les pistes sont nombreuses pour la transmission, comme toujours. Hein. Et il y a un épisode de l'histoire de l'humanité qui est très importante dans le brassage entre l'Occident et l'Orient, c'est la conquête mongole. La conquête mongole, en fait, elle va déferler, on est aux alentours de 1240, les Mongols atteignent la Hongrie et la Pologne, hein, c'est pas du tout... Et finalement, ils vont refluer, mais ils vont ensuite après conquérir la Chine. Et tous ces Mongols, finalement... amènent avec eux toute une espèce d'autres façons de penser. Ils sont donc les gens qui sont préoccupés par les croisades, puisqu'on est toujours dans cette zone-là, eh bien, sont en contact. Ils les cherchent même comme alliés, finalement, contre les, ce qu'on appelle les Arabes. Et par ce biais-là, on sent qu'il y a des, il y a des intellectuels, on dirait, de l'époque, hein, des savants de l'époque, des savants donc du Moyen-Âge européen, qui sont au courant de certaines choses. Et pour la boussole, comme pour la poudre, d'ailleurs, on sait que des ambassades ont été envoyées du temps de Saint-Louis. On est à peu près en 1240, aussi 1200, la date exacte, ça va être 1254, il y a un fameux William Rusbrook qui est envoyé en ambassade en Chine et qui va être reçu par la dynastie mongole à l'heure actuelle en Chine. Et on pense que par ce biais-là, une idée de la boussole, effectivement, a pu arriver en Europe. Alors, qui le premier en Occident témoigne de l'instrument boussole? Est-ce qu'on a un texte qui atteste de la présence de cet objet-là sous nos latitudes? Et est-ce que vous pourriez nous parler de ce premier témoignage de la présence d'une boussole ici? Bien sûr, c'est très très très très intéressant parce qu'on a un texte qui m'a surpris par sa maturité scientifique, écrit par un dénommé Pierre de Maricourt, qui était donc, on dirait, un savant du Moyen-Âge, mais alors totalement sous le secret. Hein, c'est un texte qui est passé inaperçu. Inaperçu complètement. Il écrit en 1269 ce qu'on a appelé la lettre de l'aimant. Et il décrit de façon très très rigoureuse, pour le coup, hein, qui n'était pas du tout la méthode qu'on avait auparavant avec les théologiens qui embrouillaient un peu tout, toutes les propriétés de cette fameuse pierre d'aimant et la façon dont elle peut indiquer le nord ou le sud. Et ce Pierre de Maricourt aurait été en contact avec un autre, finalement, scientifique de l'époque qui est assez connu, qui s'appelle Roger Bacon, qui est un franciscain, qui lui aussi a effectivement importé l'idée de la poudre en Europe. Et ces deux personnages étaient terrorisés par la pression qui était faite quand l'on parlait de ces espèces de sciences occultes. Et il dit d'ailleurs, lui, et d'abord ce Pierre de Maricourt, il dit quelque chose qui est assez, assez beau. Il écrit une lettre, hein, c'est une lettre, son texte, hein, à un chevalier, je ne sais plus quel est son nom. Il dit, tu dois savoir que cette pierre, donc la pierre magnétique, porte en elle-même une ressemblance avec le ciel. Et donc c'est très très joli, parce que pour la première fois, mais ça n'est pas dit dans les Écritures. Personne ne peut dire ça. Le ciel, c'est le domaine de Dieu. Et ensuite, il dit, pour la foule, ces effets dont il parle apparaîtront comme des illusions et des fantasmes. Et c'est pourquoi, pour la foule, ces effets devront rester secrets. Donc, ces scientifiques sont des précurseurs de Galilée, précurseurs de Copernic, qui eux-mêmes auront s'affronter à la religion, sont terrorisés par le fait que ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, peuvent aller à l'extérieur et qu'ils soient, en fait, condamnés lourdement, même jusqu'à la mort, parfois. Donc, on sent cette... Une dimension occulte, encore, dans cet objet. Et ça nous a marqué pendant longtemps. C'est une chape de plomb idéologique qui a bridé, parce que les Européens ne sont pas plus... moins intelligents que les Chinois. Ils auraient pu trouver toutes ces choses-là. L'émission touche bientôt à sa fin. Jean-Marc Bonnet-Bideau, alors on ne va pas attribuer la colonisation du monde par l'Europe à ce seul objet de la boussole. Ce serait être malhonnête intellectuellement, mais ça a joué un rôle capital tout de même dans l'orientation de ces navigateurs qui ont parcouru le monde et qui se sont installés un peu partout dans le monde. Il y a une dernière chose sur laquelle j'aimerais terminer, c'est sur notre méconnaissance, parfois crasse, de cette histoire des sciences médiévales chinoises. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette ignorance-là, d'un point de vue est-ce qu'il y a une rivalité civilisationnelle qui s'est jouée à un moment donné et qui a fait qu'on a voulu reléguer dans l'ombre ces innovations, ces découvertes scientifiques capitales réalisées en Chine? Je le crois un peu, et c'est tout à notre détriment. C'est-à-dire que moi, ce dont je souffre aujourd'hui, c'est d'un enfermement culturel. J'ai bien compris que ma culture était importante dans l'histoire du monde, mais j'ai aussi compris que beaucoup d'autres parties du monde, la culture a irrigué. Et donc la Chine est un exemple emblématique, et donc il reste à faire une nouvelle histoire des sciences, je pense. Vous comprenez que l'histoire des sciences est faite, disons, dans l'érudition du 19e et début du 20e siècle. Les seuls gens qui avaient accès aux textes réels étaient dans les bibliothèques, ce sont des érudits, qui pouvaient dire à peu près n'importe quoi, parce qu'on ne pouvait pas les vérifier. Aujourd'hui, c'est ouvert. Effectivement, tout le monde peut aller chercher à la BNF ou ailleurs, le texte de Maricourt, il existe, vous pouvez le lire. Hein. Et donc, ça veut dire qu'on ouvre enfin, et j'espère qu'intellectuellement, on sera suffisamment honnête, et ça nous retirera en rien les mérites que l'on a eus, parce que la révolution scientifique, effectivement, européenne et magistrale. Mais ça nous complète des époques dans lesquelles nous avons été inexistants. Alors vous rappeliez cette mise dans l'ombre volontaire parfois au 19e siècle de ces avancées chinoises. Je cite non pas pour conclure, on va essayer de conclure sur une note plus positive, mais un sinologue hollandais qui s'appelle Johan de Groot et qui au 19e siècle déclarait la géomancie en Chine donc montre pleinement les nuages d'ignorance qui planent sur le peuple chinois. Il montre dans toute sa nudité le bas état de leur culture natale, illustrant le fait que la philosophie naturelle dans cette partie du globe est une énorme montagne d'apprentissage sans une seule trace de vraie connaissance en elle. Texte très dur, très faux. On l'a compris au fil de cette émission. On peut donc du coup inviter de jeunes historiennes, historiens, chercheurs, chercheuses à réfléchir à cette histoire des sciences chinoises et à s'y pencher. Bien sûr, et il y a trop peu de spécialistes, entre guillemets. On n'a pas besoin d'être spécialiste finalement. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais il faut juste mettre en rapport des textes. Par exemple, cette période médiévale dont on parlait, la fin de la période médiévale, 1200-13e siècle, il y a tous ces échanges entre les pays du Moyen-Orient, le Grand Orient. Et on a des personnages dont on peut, et à travers leur vie. Donc ce sont des travaux que des historiens des sciences européens, cette fois-ci. Il faut qu'on fasse cette tentative de retracer ça. Moi, je l'ai vécu dans l'astronomie. J'ai réussi beaucoup mieux dans l'astronomie parce qu'on avait pas mal de textes, puis c'était plus mon domaine. Mais là, j'ouvre vraiment le champ. Hein, et ne pas avoir de se libérer du carcan, parce que quand vous allez en histoire des sciences européennes et vous lisez encore aujourd'hui dans des ouvrages, il y a un carcan idéologique trop fort. On veut, pour des raisons que j'ignore, paraître les meilleurs de toute la planète dans toute son histoire. C'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Donc voilà. Ah, merci beaucoup en tout cas à vous, Jean-Marc Bonabido, de nous avoir raconté cette histoire cachée dans cet objet apparemment anodin. Des histoires comme celle-ci, on en trouve plein dans votre livre « Les sciences de l'Empire du Milieu » que je vous invite toutes et tous à lire, c'est vraiment passionnant. C'est paru aux éditions Belin. Merci encore. Merci à vous. I sailed a wide sea, climbed up a tall mountain. I met an old man beneath the weeping willow tree. Chinese Translation par M. Ward. Pour conclure cette émission, un grand merci à Eve Etienne et à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Sabine Dahuron de l'INA, notre partenaire, pour son aide dans la recherche d'archives. Et merci à Dali Yaha, aujourd'hui à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono. Afraid to do the things that I knew I had to do, so I played an escapade just like you. I played an escapade just like you. I sailed a wild sea, climbed up a tall mountain. I met an old man. He sat beneath the sapling tree. He said, "Now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief. So you'll have to pick just three." And I said, "What do you do with the pieces of broken heart? And how can a man like me remain in the light? And if life is really as short as they say, then why is the night so long? And in the sun went down."